À l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'Association pour la libération de la patrie, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes vecticiens 2017, le comité suisse Corée et le cercle suisse d'études des études jetées ont publié le 28 avril une déclaration commune. En insistant que le président Kim Il-sung a organisé le 5 mai 1936, il y a 80 ans, l'Association pour la libération de la patrie, première organisation de front uni national anti-japonais de la Corée, la déclaration commune a fait remarquer que cette association a lutté pour réaliser l'indépendance et la souveraineté du pays par la mobilisation générale de la nation coréenne sous la bannière des études jetées du président.